Section 88 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 88, La Seconde Mère par Henri Gréville, chapitre 17. L'imagination des jeunes filles parcourt beaucoup de chemin en peu de temps. Yveline se fit un tableau délicieux de la vie dans la maisonnette où vivaient les présences. Cette existence resserrée, pour ne pas dire étroite, lui sembla la plus belle de toutes. Elle n'était pas sans avoir entendu parler de Nausicaa, fille de roi, lavant son linge à la rivière. On pouvait donc accomplir les travaux les plus humbles sans rien perdre de son grand air et de sa dignité. Et Yveline était bien sûre que Madame de Présence, quoi qu'elle fît, serait toujours une femme distinguée, malgré ses petites robes usées et la modestie souffrante de son maintien. À quoi tiennent les choses? Si Madame de la Rouveraie n'avait point critiqué sa cousine pauvre, Mademoiselle Brice n'eût peut-être jamais remarqué le cousin Georges. Cousin, il l'était vraiment, mais si peu qu'il fallait avoir bonne envie de s'en souvenir pour ne point l'oublier. Et Yveline, qui disait « ma cousine » à la mère, qui appelait la fille par son petit nom, ne songea point un instant à retirer le « monsieur » qu'elle appliquait au fils. Bien mieux, ce n'était point « monsieur Georges », mais « monsieur de présence ». Et Georges ne sut point s'aviser que cette appellation cérémonieuse s'adressait aux parents dédaignés par la grand-mère, redressé ainsi par Yveline de toute la hauteur des égards dus aux gens de qualité. Lui, l'infortuné, l'avait d'abord nommée Mademoiselle Yveline, comme il convient, et depuis quelque temps, il appelait elle. On a beau avoir été carabin, se sentir encore gêné aux entournures par son diplôme tout neuf de docteur qui vous enveloppe comme une toge, on a beau donner des consultations gratuites aux paysans madrés sur les grandes routes, en rêvant de hautes études quelques jours dans la capitale, on n'est point invulnérable. Qu'on ait renoncé à la science pour le présent, afin de donner du bien-être à la chère mère qui s'est perdue les yeux pour vous, qu'on ait immolé, non sans rage et humiliation secrète, son bel idéal d'avenir pour gagner quelques écus au lieu d'en dépenser beaucoup d'autres, qu'on se soit dit « je n'aimerais point pour être tout à mon devoir maintenant, tout à mes études plus tard », cela n'empêche pas qu'on rencontre un jour le regard de deux yeux purs de jeune fille et qu'on aime alors follement, désespérément. Malgré leur supériorité avérée, les hommes, en vérité, ne sont pas très forts, pour la plupart du moins. Les uns se vantent de ne chercher dans la vie que le plaisir et rougiraient comme d'une tare s'il leur fallait avouer qu'à un certain jour ils ont aimé tout bêtement et souffert comme on souffrait sans en rougir. Autrefois, ceux-là dédaignent la femme et s'en font mépriser pour peu qu'elle ait le sentiment de sa dignité. D'autres, au contraire, se prosternent devant elle comme devant une idole, divinisant ses faiblesses, adorant ses fautes, faisant, non au meilleur, un piédestal d'où ils n'ont ensuite rien de plus pressé que de renverser la déesse. Aussitôt traînés aux gémonies, et par un retour cruel, ils sont méprisés des femmes méprisables, quoique mille fois plus dignes et moins mauvais que les précédents. Et bien peu, savourant les joies dont l'existence n'est pourtant pas prodigue, ouvrent leur cœur lorsque l'heure est venue, aiment simplement de tout leur être une honnête enfant qui peut les aimer et s'en vont sur la route de la vie avec une compagne qui partage avec eux les jours de pluie et les jours de soleil. Georges de Présence était de ceux-là. Pourquoi fallait-il que, par la malignité des choses, il fût condamné à longer toujours le mur du paradis sans pouvoir y pénétrer? Il passa devant la maisonnette plusieurs nuits très douloureuses, à rêver devant un ciel sans étoiles aux cruautés du destin. Il avait fait d'avance le sacrifice de son avenir. Pourquoi fallait-il que la tentation vînt le tirer par la manche en lui disant « Regarde, comme elle est jolie, bonne, séduisante, regarde-la bien. Remarque l'aimable sourire de ses beaux yeux quand il s'arrête sur toi et sache qu'elle n'est pas pour toi, qu'elle ne saura jamais t'appartenir et mieux encore, qu'elle sera à un autre. Le pauvre Georges, très consciencieux, se dit et se répéta tout cela et se le répéta si bien qu'une aube tardive de septembre le trouva un jour à sa fenêtre, les mains mouillées des pleurs héroïques qu'il avait versés et le cœur très haut, tout saignant du sacrifice. « Quand ma mère sera morte, quand ma sœur sera mariée, j'irai hors de France, au pays meurtrier où les plus braves frémissent d'être envoyés. Et là, je mourrai obscurément en sauvant des vies obscures. Moi qui avais rêvé d'arracher tant de secrets à la nature mystérieuse. » Cependant, il accompagnait à la Rouvray sa mère et sa sœur tous les jeudis. Pouvait-il se soustraire à ses visites hebdomadaires alors que tout le monde s'y rendait avec tant d'empressement? Il se donnait de plus le plaisir douloureux de voir son idole courtisée par les autres. Avec le flair des amoureux, il avait vite deviné le prétendant encouragé par la grand-mère et l'avait trouvé sot, niais, prétentieux. Yveline ne l'accueillait pas d'une façon très encourageante, mais ne sait-on pas que les jeunes filles ne peuvent témoigner leurs sentiments qu'après les démarches officielles? Si, au lieu de se torturer ainsi à plaisir, le pauvre garçon avait observé attentivement, il eut acquis la certitude que l'impitoyable Iseline traitait le beau Varcourt comme la raquette traite le volant. C'est fort amusant d'être courtisé quand le cœur n'est pas en jeu. Du moins, est-ce la vie de Célimène, et Yveline n'était point sans quelque parenté lointaine avec cette belle et dangereuse personne. Après avoir commencé par rire et s'enfuir à la vue du protégé de sa grand-mère, elle lui permettait maintenant de lui parler. Elle lui répondait avec cette sérénité parfaite des jeunes filles qui a trompé et qui trompera encore plus d'un fat. Cependant, Varcourt n'avait encore jamais pu trouver l'occasion de placer une parole décisive. Ce n'était pas tout à fait sa faute. Yveline avait résolu en elle-même que cette parole ne serait pas prononcée et elle s'y appliquait le plus consciencieusement du monde. Madame de la Rouvray s'inquiétait un peu de cette coquetterie. Elle se fût inquiétée bien davantage si elle avait pu lire dans les pensées secrètes de sa petite fille. Mais comme la plupart des personnes froidement autoritaires, la bonne dame ne s'imaginait pas qu'on pût avoir des idées bien arrêtées. Accoutumée à mener tout le petit monde qui gravitait autour d'elle, elle acceptait volontiers comme une chose naturelle l'absence de personnalité. Pour ce qui concerne Yveline, elle s'était trompée et cette découverte lui causa beaucoup d'émotion. Monsieur et Madame Richard Brice devant arriver prochainement, la grand-maman se décida à interroger l'amoureux Varcourt sur les progrès de son entreprise. Il était à souhaiter que le prétendant fût agréé avant la venue des parents, de façon qu'on pût leur présenter la chose comme toute faite. Varcourt avait une belle fortune, une belle santé, un beau nom, une belle situation d'homme honorable, une propriété tout à fait voisine de la Rouvray. La grand-maman défiait quiconque de trouver un parti plus acceptable. Que pourraient dire M. et Mme Richard? Qu'on ne s'était guère occupé d'eux en tout cela? Mais on n'avait nul besoin de s'occuper d'eux. L'éducation d'Yveline, Dieu merci, s'était faite sans leur participation. Il en serait de même de son mariage. Il y avait bien Madame Brice. On avait totalement négligé Madame Brice. Force était d'en convenir. Mais depuis qu'elle faisait cause commune avec Monsieur et Madame Richard, elle n'était plus ni de bon conseil, ni même d'une grande importance. Et puis, si Varcourt plaisait à Yveline, cet argument ne serait-il pas sans réplique? Il fallait que Varcourt plût à Yveline. Il devait lui plaire, c'était évident. « Eh bien, mon cher ami, avez-vous avancé vos affaires ?» dit un beau jour Madame de la Rouvray à son protégé, pendant que la jeunesse dansait dans le salon voisin. Varcourt ne dansait guère que sous une contrainte directe, et c'était une des petites choses qui ennuyait Madame de la Rouvray. « Une jeune femme doit danser. » Rien n'est plus clair, et il est bon que son mari ne redoute pas la danse. Si Varcourt avait aimé la danse, enfin, on n'est pas parfait. « Je ne saurais trop vous dire, » répondit l'heureux mortel en rougissant. Mademoiselle Evelyne voit mes attentions d'un bon œil. J'ose l'espérer au moins. Mais enfin, je ne puis pas dire que, jusqu'ici, elle m'est autorisée à... Enfin, je ne sais pas. Aussi, vous manquez d'énergie, répliqua Madame de la Rouvray, avec un petit mouvement d'humeur. Ce n'est pas difficile, voyons. Je vous assure, chère madame, que c'est beaucoup plus difficile que vous ne semblez le croire, répondit Varcourt en essuyant son front rose avec un mouchoir de batiste à ses armes, brodé en couleur. C'est très, très difficile. Mademoiselle Evelyne ne m'encourage pas. Vous causez tout le temps avec elle. Elle cause, certainement. Elle cause même beaucoup. Mais je ne connais rien, rien absolument, je vous assure, de ses sentiments personnels, surtout à mon égard. Après avoir laborieusement terminé cette phrase, Varcourt jeta un regard inquiet sur la porte du salon où passaient et repassaient des groupes de danseurs. Evelyne ne dansait pas. Assise dans un petit coin avec Berthe et sa chère cousine, elle se faisait raconter des épisodes de l'enfance de Georges et Madame de Présence, qui n'y entendait pas malice, lui narrait, avec l'abondance émue des mères, toutes sortes de choses enfantines qui faisaient sourire la jeune fille. Assise sur une chaise basse, les coudes appuyés sur les genoux, un peu penchée en avant, les yeux levés vers la conteuse, elle buvait ses paroles, secouée de temps en temps par un fou rire que partageait Berthe au récit des exploits fantastiques de leur bon jeune temps. Georges avait erré longtemps autour du petit groupe, en se jurant de ne point s'approcher, et puis il s'était assis tout à côté, sans faire mine de prendre part à la conversation. Mais il n'en perdait rien. Il entendait les questions saugrenues d'Yveline et son rire jeune, étouffé par les convenances. Il sentait, comme s'il les avait vus, les yeux de la jeune fille fixés sur le petit garçon qu'il avait été, sur l'adolescent, puis sur le jeune homme. Et il lui semblait qu'à de certains moments, ses yeux fiers et doux se baissaient lorsque sa sœur, parlant de lui avec l'abandon sororal, le présentait à Evelyne d'une façon trop familière et trop intime. « Ah !» conclut Madame de Présence, avec un soupir d'aise, « c'est que mon Georges aimait bien sa mère. »« Sa mère !» répéta Evelyne, devenue soudain toute grave. « Sa mère !» Ce mot lui semblait très doux. Pour la première fois, elle y voyait tout ce qu'il y mettait de tendre, de reconnaissant, de grandiose et de familial. Madame de Présence la regardait, un peu surprise. « C'est que je n'ai pas eu de mère, moi, » dit Evelyne. Georges la regarda en face. « Pas de mère, pauvre enfant !» Elle avait ignoré toutes ses joies exquises, ses abandons de soi-même en des mains caressantes, cette confiance sans borne, cet appel de l'enfant vers celle qui est tout. Evelyne se tourna lentement vers ce fils qui avait tant aimé sa mère, et son jeune sang monta à ses joues délicates, tant il y avait de pitié et de tendresse inavouée, et de chagrin dans ses yeux pleins aussi de respect. Le cœur d'Evelyne tressaillit étrangement, comme un oiseau qui bat de l'aile dans une main victorieuse. Une sensation brusque l'envahit. Elle crut qu'elle perdait pied dans une eau inconnue, dont les vagues la berçaient très doucement en l'emportant. « Ah, mon Dieu !» se dit-elle. « Ce n'est pas possible que je l'aime. » Elle pâlit tout à coup et Berthe s'alarma. « Vous souffrez ? » dit-elle. Georges s'était levé et s'approchait. « Non, non !» répondit Evelyne précipitamment. « Ce n'est rien. Je vais voir grand-maman. » Elle avait disparu avant qu'on eût pu la retenir. « Qu'a-t-elle ? » demanda Madame de Présence tout bouleversée. « Maman, » dit Georges, « viens par ici. » « Il faut que je te dise quelque chose. » Il la tirait à l'écart. « Ne lui parle plus de moi, je t'en prie. C'est parce que tu m'aimes et que tu me crois intéressant, mais... » Madame de Présence l'écoutait sans comprendre. « Vois-tu, reprit Georges avec effort, c'est imprudent ce que tu fais là. On ne nous connaît pas beaucoup dans cette famille et nous aurions l'air de ce que nous ne sommes pas. « Explique-toi, mon enfant, » dit sa mère, comprenant moins que jamais. « Elle est riche, » dit le malheureux garçon, sans pouvoir prendre sur lui de prononcer le nom adoré. « Elle est très riche. » et nous sommes très pauvres. Il ne faut pas qu'on puisse croire à un calcul. « Ah, mon pauvre enfant !» fit la mère en lui prenant les deux mains. « Tu l'aimes ?» Il arracha ses mains de l'entrainte affectueuse et quitta la galerie où il se trouvait. Quand il reparut, ce fut pour dire à sa mère que leur petite voiture les attendait. Il y fit monter les deux femmes qui se serrèrent l'une contre l'autre pour lui faire place, monta près d'elle et prit les rênes. Comme il rendait la main à son cheval, vrai bidet de médecin, accoutumé à tous les temps et payant peu de mine, Evelyne se pencha à une fenêtre. C'était la fenêtre de son ancienne chambre d'enfant, celle d'où elle s'était montrée à son père dans le nimbe de ses cheveux d'or, illuminée par un rayon de soleil. Telle était apparue la petite fille aux yeux émerveillés de Richard. Telle parut la grande jeune fille dans la même auréole, dans un semblable rayon, au regard de celui qui l'aimait. Elle s'était, on ne sait pourquoi, réfugiée dans cette chambre où elle avait passé les années de sa petite enfance, chambre dédaignée à présent où nul n'allait jamais. Dans le grand tumulte de son âme, elle avait instinctivement cherché asile au milieu des témoins d'une vie où tout était paix et joie. Le bruit des roues l'avait attirée à la fenêtre. Elle l'avait ouverte avec une vague appréhension. Dans l'ivresse profonde qui la troublait, tout, depuis une minute, lui semblait inquiétant. Georges, sa mère et Berthe levèrent la tête, au léger craquement du bois déshabitué de jouer dans la rainure. Evelyne rougit encore sous ce soleil qui lui emplissait les yeux et le cœur. « Vous partez déjà, cousine ? » dit-elle d'une voix étrangement mélodieuse. L'air du soir était si calme que ses paroles tombèrent sur eux comme des perles de cristal, quoiqu'elle eût parlé presque bas. « Nous rentrons, » dit Berthe, voyant que les autres gardaient le silence. « Je vous attends jeudi, n'est-ce pas ? Tous les trois, » fit Evelyne. Georges la regarda pour emporter dans sa mémoire la radieuse image, puis il salua et toucha du fouet son bidet un peu lourd. Quel triste équipage de médecins de campagne! Fallait-il que la malchance gravât un tel souvenir dans la mémoire d'Evelyne? Fallait-il que ce fût ainsi qu'elle eût vu pour la dernière fois? Au revoir, dit Berthe, et le modeste cabriolet s'en alla, K1KA sur la route, suivi par les yeux d'Evelyne. Si Georges l'avait su, le soleil faisait une gloire d'or au vernis de l'humble carriole qui, pour l'héritière de la Rouveraie, était plus belle et plus flamboyante que le char d'Apollon. Mais Georges ne savait pas, et tout le temps de la route, en mâchonnant sa moustache, il lui semblait mordre les morceaux de son orgueil humilié. Fin de la section 88, lue par Agnès Aubi, 2024.